je délire, me saoule. Je soulève le bleu de nos matinées à nos nuits. Je cherche la cour, je chasse à jour. Et nuit s'entoure, délivre le souffle, soulève le bluff, l'ivresse et la paresse, tendresse. Je détresse, je délivre, je soulève, je cherche la coupe, je chasse à jour. La nuit s'entoure, délivre, soulève. Je délivre le souffle, je soulève le bleu de nos matinées à nos nuits. Et nuit s'entoure, délivre le souffle, soulève le bleu. L'ivresse et la paresse.